un peu. Ouais. Vénère sur chaque track, puéril, mais pas le track. Le temps passe et tic-tac, j'rappe vrai sur playback. Gucci, vide ton sac, pédale, fais pas le mal. Remballe ton style inutile, hâtil, j'ai le flow tactile. J'abîme sublime, en chien, sans feu, mais fuck Johnny. J'allume le feu, le flow, ma gueule que tu veux. J'suis tout, sauf comme paré pour choquer. Prêt pour poker, instrumé, épaule, le flow OP. J'suis unique, ils se mettent à broder. J'suis là et ils se mettent à rêver. Tout tard le rap va caner, j'suis là pour les ressusciter. J'écris comme un illettré, mais kiffe tous mes extraits. Artif à la petite tactique, ça pique, implique, réplique, technique, sagique, ça pique, explique. Dance floor, rap floor. Deuxième des rata, tu boycottes la Shuma. Classique, tu me lâches pas, t'es toujours en l'air, gars. Zig dans les transports, on peut poser sur du rap floor. Genre de la faune, ravi dans la flore, mais vive-moi.